Let's go. Are we ready? Une bonne soirée le dimanche soir, ouais. Ça y est, il est de retour, bronzé comme jamais, après une grosse tournée, beaucoup au Maghreb, hein, c'est ça, d'ailleurs. Beaucoup au Maghreb, ouais. Pendant le mois d'août. Pendant le mois d'août, ouais, tout le mois d'août, et là on est revenu avec de la fraîcheur et DJ Case est là. Content de reprendre une saison. Et bah reparti pour une nouvelle session d'Oreille Suprême ce soir avec encore beaucoup de nouveautés. Qu'est-ce qui se passe? Tu reviens avec quoi alors de ces vacances? Je reviens avec du neuf et une ambiance club et festive au max ce soir, ça va être le top du top. Et bah le mieux peut-être c'est d'attaquer tout de suite sur Oreille Suprême, puisque les gens attendent, ils n'en peuvent plus, ils voulaient le retour de DJ Case. En tout cas, merci même d'avoir suivi Oreille Suprême, puisqu'on vous a diffusé plein de sessions mix de 2 heures durant cet été. C'est ça, c'était DJ Fabien. Donc vous avez plutôt apprécié, plutôt kiffé cette session estivale. Et là on est reparti pour une nouvelle saison 2015-2016 qui ouvre maintenant, DJ Case. Yes, et je voulais dire aussi que voilà, on va faire il y a un nouveau concept, on va faire des dédicaces à tous ceux qui font péter le hashtag Oreille Suprême. Ah, très donc, bien. Hashtag Oreille Suprême, donc faites péter les hashtags et on dégaine les dédicaces dans une demi-heure, 40 minutes. Allez, c'est parti, coup d'envoi DJ Case, Oreille Suprême, on y va. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu 3 verres, je suis faillage, je quitte la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste, le platine, c'est DJ Kaïs. Sur la même avec Natacha. Ce qui kiffe c'est les chichons. Avec Aïcha Bandicha. Thank you.

c'est entre Mohamed Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, puis ensemble. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge du pays, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on fera pas valer du râle. Les putains sont sternis, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, faut que mon délire ou t'admirer. Je m'énerve pas après, je m'en irai. Vivant, limpide, vont garder l'espoir. On nos grands-pères en première ligne, on défend à l'histoire. On s'en fait tard, les clés qui entrent. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tirs là-bas, et se confier à Dallas Lee. Tu sais que le chef du chef, il s'appelle Husky. Suprême en direct sur Skyrock. Let's deal.

5-5-5. Je m'en fous tant qu'on s'amuse avec mes 5-5. Y'a Bedin, Ben Ben, Carré V, Bad Bitch, Grey Goose. Voir bien vu dans ma matrix. Refrain, on va se relaxer. Fais pas le fond, t'allumes avant de te menacer. Soit c'est pas de rap, je vais finir à Messi. Marrakech, je vais battre. After la la piscine, c'est taille. Si tu voulais recharger les batteries. On est dans le délire, si tu veux follow. Y'a que des folles et des alcoolos. Tu t'es vomiti, j'avoue c'est ballot. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau? Ne sois pas bénéfice. Mets de côté ta tristesse. Faut qu'on crame les bénéfices. On a gratté dans le business. Marre de manger du riz. Appel le platine, on est au Marrakech du rire. La chère à l'hôtel et je crée des grandes pim pim. J'avais trois copines et l'artiste de pim pim. Ce soir c'est tout moi qui apparaît près la piscine de la villa. Tu connais, on t'aurait que deux missiles. On a des imbéciles, demain c'est la messie. Et elle devient par ici, faut que j'oublie mes soucis. Soit c'est pas un peu là, je vais finir à Messi. Marrakech, je vais y battre. After à la piscine, c'est dingue. Si tu voulais recharger les batteries. On est dans le délire, si tu veux follow. Y'a que des folles et des alcoolos. Tu t'es vomiti, j'avoue c'est ballot. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau? Tu voulais ces billets les vieux. Il a failli te les vieux. Mon chéri, c'est pas de l'évion. Arrête l'alcool, mets-toi au Nebbio. J'suis avec une fausse bad bad. Tous mes potes veulent la retweeter. Oui, une bad bad bad. Le mois, j'suis trop frais, j'ai pas le temps. Je vis que la night. DJ Case n'a pas le temps. Il vit que la night. Par moi, deep, j'ai pas le temps. Il vit que la night. J'viens de loin et j'ai pas le temps. Je vis que la night. Yeah. Dimanche soir. Suprême en direct sur Skyrock. Sont rivés sur toi les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Coco Nachanel. Y'a Manan Wakou, Lingua Touche, contrôle la nez. Charlie Delta localisé, l'Embila sont focalisés. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis pour la victoire. Calcule pas, souris-moi, ça ne suit pas.

Laissez passer. C'est Rail Suprême.

Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Ce mec est trop dangereux. Sami Rachatou, j'ai même Katarina. Hey wa, Yas dans la poche, j'en ai là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bois. J'suis dans mon bolide.

Yugataka. Yugataka, voilà. Juniji. Et c'est au Royal à Mons, voilà. Enfin, une big soirée là-bas. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi. On peut encore faire des petites dédicaces. Allez, bien vas-y, sûr. Vas-y. Là, il y a Maroc 212. On lui fait une grosse dédicace. Cher leader. Et Maroc 212. Et Royal Sarah, voilà encore. Elle est là. Très fan. Merci à toi, Case. Rencard la semaine prochaine. Ah oui, n'hésitez pas. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur la page DJ Case. Twitter, Instagram, DJ Case Paris. Snapchat aussi. T'as un Snapchat ou pas encore? Non, je me suis pas encore mis Snapchaterie, mais en tout cas, t'as le bonjour de Tunisie. Ah, voilà. J'ai passé un moment là-bas, t'imagines même pas. Et je salue mes amis du Guitoun, notamment. Chouchou, Farouk, Farouk et toute la clique. Voilà, ils sont bien éclatés l'été. C'est un sacré moment. Voilà, et force à la Tunisie. On a vu que cet été. C'était dur, mais allez-y. Mais ça bougeait quand même. Allez-y. Voilà. Allez en Tunisie si vous pouvez. Voilà, super endroit, super moment. Vous passerez. On peut faire du parachute avec un drapeau. On peut faire ce qu'on veut. Merci, Case. Allez, merci à vous. Rencard la semaine prochaine pour un nouveau Rail Suprême. Passez une bonne soirée. Ciao. Rap et R&B non-stop. Skyrock.